flambe. Insère tes jetons, entre dans la partie. Ose le ton, vas-y donneur de la répartie. Cingle le ton, reste pas là cloître et blotti. Pousse le fond, pour mieux quitter ces mondes engloutis. Tu pensais refaire le globe et t'en ramasses les gravats. Plus de plans, de slogans, bienvenue au grabat. Mais reste cool baba, 68 tard, 30 ans plus tard. C'est pas une tare et même si la plupart sont devenus capitalistes, libéraux, actionnaires. Je m'adresse aux révolutionnaires. Mon père s'écoute ferré en révolté endurci. Se doit de bouloter, compte pas nous mettre en sursis. Pour nous c'est pire ici, regarde. Notre horizon rétrécit, les solutions tardent. Nous les serrer sans but précis. Comme toi j'ai eu cette merde d'époque en héritage. J'ai vu des rêves terminés sur des voies de garage. Faut faire des choix et si ça fait de la peine aux proches, refont pas le choix. Ma génération s'accroche à ce qu'elle peut. Quand les perspectives se décomposent, réajuste les garanties, ce qui se passe et ce qu'on nous propose. Et qu'est-ce qu'ils comptent faire? Rester là et sangloter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pas tous nous ligoter. Et qu'est-ce qu'ils comptent faire? Rester là et sangloter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pas tous nous ligoter. Ils peuvent toujours essayer. Ma génération est pareil depuis 30 ans. Plus j'attends et plus c'est le même discours que j'entends. Des lendemains chantants, mais pour l'instant c'est tire ton plan, choisis ton camp ou bien fous le camp. Et puisqu'il n'y a pas le choix, faut faire avec ce qu'il y a. Mentalité de rescueur, flirte avec le risque qu'il y a. Différents moyens, le détour, le droit chemin, mais personne pour tracer ta voie. Question d'instinct personnel, dans ce putain de monde impersonnel. Pression perpétuelle, abandon ou duel. Plus de fond, plus de forme, conforme aux normes, chloroforme virtuelle. On préfère que tu dormes, que tu t'informes. Pour ma génération, c'est crime, destruction, réduction des chances, manque d'instruction. Comment tout est à faire, fais tes choix et sois fier. Sois fier, faut pas que ça foire pour ceux qui poussent derrière. Pour ma génération, c'est crime, destruction, réduction des chances, manque d'instruction. Comment tout est à faire, fais tes choix et sois fier. Fier, faut pas que ça foire pour ceux qui poussent derrière. Faut-il encore lâcher des graines si elles sortent aux parois? La génération capote à la migraine, se sent à l'étroit. Pendant que tu penses en termes de vente, je vise le long terme, malgré le degré de la panche, je vis au jour le jour de drôles de jours. Mes nuits sont toujours plus belles que tes jours. Le monde est lost, le savoir est la tour. C'est pour ça qu'on bosse, sans tourner autour, on marche dedans, même si l'avenir est loin d'être évident. Ma génération sacrifie tout pour une place en ce cocon. Pour les ambitions de fonctionnaires bidon. Pour que leur pensée unique tienne le guidon. Et nous l'aidons, en agissant sans raison, sinon plaidant. L'oisiveté, l'abondance est dans. Face à l'adversité et la pression, l'élite de demain sont les jeunes privilégiés d'aujourd'hui. Des jeunes autistes face à la misère d'autrui, ce qui nous détruit. Car le pouvoir éloigne du peuple, donc il faut que le peuple éloigne le pouvoir de l'élite qu'il contemple. Montre l'exemple, cette démocratie où l'équité décampe. Ça fout une trempe, savoir que demain sera pire qu'hier. Qu'on fasse subir la même chose à ceux qui poussent derrière. Ça fout une trempe, savoir que demain sera pire qu'hier. Qu'on fasse subir la même chose à ceux qui poussent derrière. Pour ma génération, c'est crime, destruction, réduction des chances.